Qui a inventé le compact disque? Le compact disque a été inventé par Philips. Qui a découvert l'Amérique? L'Amérique a été découverte par Christophe Colomb. Qui a écrit Le Petit Prince? Le Petit Prince a été écrit par Saint-Exupéry. Qui a découvert la pénicilline? La pénicilline a été découverte par Fleming. Qui a inventé l'imprimerie? L'imprimerie a été inventée par Gutenberg. Exercice 2. Répondez au passif. Il faut annuler la réunion. C'est fait. La réunion a été annulée. 1. Il faut reporter la date. C'est fait. La date a été reportée. 2. Il faut avertir les clients. C'est fait. Les clients ont été avertis. 3. Il faut envoyer le courrier. C'est fait. Le courrier a été envoyé. 4. Il faut classer les dossiers. C'est fait. Les dossiers ont été classés. Exercice 3. Mettez au passif. Des voleurs ont attaqué la banque. La banque a été attaquée par des voleurs. 1. La police a arrêté plusieurs personnes. Plusieurs personnes ont été arrêtées par la police. 2. Des témoins ont identifié deux hommes. Deux hommes ont été identifiés par des témoins. 3. Le commissaire a interrogé les suspects. Les suspects ont été interrogés par le commissaire. 4. Le juge a condamné les malfaiteurs. Les malfaiteurs ont été condamnés par le juge. Exercice 4. Mettez au passif. On a découvert une nouvelle étoile. Une nouvelle étoile a été découverte. 1. On a élu un nouveau maire. Un nouveau maire a été élu. 2. On a repeint la tour Eiffel. La tour Eiffel a été repeinte. 3. On a construit une nouvelle bibliothèque. Une nouvelle bibliothèque a été construite. 4. On a inauguré deux écoles maternelles. Deux écoles maternelles ont été inaugurées.